Aujourd'hui, pas de tournoi à débriefer, mais Carolina Marin a annoncé sa retraite. On va en parler, ainsi que la Thomas et l'Uber Cup et les championnats d'Europe à venir très, très, très, très rapidement. C'est tout de suite dans ce nouveau format Bad Actu sur... 21. Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that! Je suis avec Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, bonjour à tous. Dans cet épisode, on va, comme on l'a déjà fait, faire un peu le tour de l'actu bad. On va profiter de cette semaine un peu plus calme après un mois d'avril, mai, qui va être un peu plus costaud, avec notamment les championnats d'Europe qui arrivent dans 2 semaines. Et Benoît, on est obligé de commencer par ça. La news de la semaine sur la planète badminton, c'est l'annonce de la retraite de Carolina Marin, qu'elle a annoncé il y a 3 jours. Et tu me disais, juste avant qu'on commence à enregistrer, que bah, ça t'avait un peu surpris quand même. Ouais, ça m'avait surpris. Et à l'inverse de toi, parce que je crois qu'on en a, en plus, on en avait parlé il y a quelques semaines où t'étais quand même plutôt hésitant sur son état de forme. Et c'est vrai qu'on avait zéro news. Donc ça laissait un peu entretenir le doute. Enfin, on avait vite fait un post par-ci par-là, mais on savait pas de quand dater les images à chaque fois. Ça m'a surpris parce que j'étais quasi persuadé qu'elle viendrait quoi qu'il arrive à où elle va. Alors elle ira, mais pas pour jouer. Et. Ouais, ça m'a surpris parce que j'étais persuadé que même si elle venait perdre après un ou deux matchs, elle viendrait. Donc ouais, je suis surpris et je me suis même dit que du coup l'état physique devait quand même pas être fou pour qu'elle décide de déclarer forfait. Ouais, Benoît, pas être fou. Moi, je pense que c'est même c'est ouais, je pense que c'est pire que ça. En fait, c'est vrai que là où t'as raison, c'est qu'elle nous avait vraiment. Elle nous avait vraiment laissé dans le flou, on ne savait rien du tout. On savait qu'elle allait avoir une invitation pour jouer à ces championnats d'Europe qui se disputeront en Espagne, dans sa ville, dans le gymnase qui porte son nom. Donc tout était fait pour avoir une belle porte de sortie. Sauf qu'en fait, Benoît, ce qu'on ne savait pas, ouais, dans quel état était son genou. On sait qu'elle s'est, elle s'est refaite opérer récemment une opération plus mineure que ce qu'elle avait déjà subi. Pour rappel, elle n'a pas joué depuis les Jeux Olympiques. Et là, Benoît, maintenant, on se dit que si elle y va pas, c'est soit qu'elle ne veut pas aller prendre une tôle au premier tour, ou soit que, en fait, c'est même pire que ça et que son corps n'est pas capable de tenir pour un match entier, quoi. Ouais, c'est ça. Après, là, on fera malheureusement que spéculer. Et on se le disait en off tous les deux. Qu'est-ce qu'on préfère? Carolina Marin qui vient sans être capable de. Même pas d'être championne d'Europe, mais de rivaliser sur un premier tour. Je te disais, moi, je m'imagine pas regarder un match de Carolina Marin sans avoir la peur de la blessure. J'ai presque. C'est un peu dur, mais tu vois, je me dis que cette fin, au moins. On l'a pas revu rejouer, tu vois, mais au moins ça se finit pas sur une blessure, même si un peu quand même. Et c'est elle qui a décidé de pas tenter le diable, tu vois. Benoît, ouais, voilà, finalement, elle fait un peu, je sais pas, le choix de la raison, ce qu'elle avait pas vraiment fait les 2 premières fois, parce que c'est ouais. Quand même blessée 3 fois au genou. Cette fois, voilà, à 32 ans, elle dit stop. Benoît, là, on en reparlera de toute façon. On prévoit un épisode entier sur sa carrière. Pour l'instant, là, on réagit juste à chaud. Mais Benoît, moi, je sais pas toi, mais les hommages qu'elle a reçus, à la fois du monde du bad, mais aussi en Espagne. Ça rappelle un peu son statut, qui est quand même une joueuse qui est complètement à part. En Espagne, le premier ministre Pedro Sanchez a fait un post pour parler d'elle. On a Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, le joueur de basket Pau Gasol. On a voilà la Liga, la Ligue de foot a fait un post. Ça, c'est pour l'Espagne. Pour le bad, on a c'est un peu ses rivales qui ont fait des posts pour elle. PV Sindhu, Ratchanok Intanon. On a eu des mots de Vitingus, Tight Swing, Mia Blichfeldt, Janne Jørgensen. Bref, Nozomi Okuhara, ça nous rappelle un peu la, bah, je pense que pour le coup, elle, les légendes du BAD, je pense que c'est pas, elle l'a pas volé. Non, elle l'a pas volé. C'est une joueuse générationnelle, voire peut-être beaucoup plus, très clairement. En plus, en Europe, elle a fait la une de. On en parlait tous les deux, mais tu vois, de Marca à plusieurs reprises. Nous, Et pour la faire une. la une de Marca quand t'es pas le Real Madrid, il faut le faire quand même. Faut C'est préciser quand même ça. que c'est vraiment, ils sont en boucle sur le foot, quoi. Mais elle fait partie des exceptions. Ben, je pense que si on compare, les Espagnols doivent voir l'équipe un peu comme ça. Je vous rappelle quand même que la première une d'un badiste, je parle de une totale, c'est Cristo il y a quelques semaines, tu vois. Enfin, il y a quelques mois maintenant, mais c'est elle, elle l'a faite. Quand on se disait, on en a au moins 4 ou 5, une de Carolina Marin, dont celle du retrait de l'arrêt de sa carrière. C'est assez fou. Ça dépasse le cadre du BAD. Alors, il y a plein de choses qu'on pourra dire le jour où on fera un épisode sur elle, mais tu vois, la Liga était un de ses sponsors. Enfin, c'est quand même. Je crois tu vois, on a déjà parlé de ça avec Tight Swing, mais Carolina Marin, il y avait de ça aussi, c'est que ça dépassait vraiment le cadre du BAD. Et je pense qu'en Espagne, elle a sans doute fait découvrir des vocations à des jeunes filles, à des jeunes garçons aussi sans doute, mais ça vraiment, elle a mis un sport, je pense, qui n'existait pas sur la carte de son pays. Ouais, c'est même en Europe et tout. Enfin, pour moi, ça dépasse le simple cadre du BAD Carolina Marin. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que pour moi, je sais que parmi les fans de BAD, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Mais j'ai envie de dire, avec Carolina Marin, on va beaucoup plus loin que ça. Genre, Oui. vous l'aimez pas parce qu'elle crie fort. On s'en fiche, c'est pas ça le principal. Elle est beaucoup plus que ça. Pour rappel, triple championne du monde, championne olympique à Rio. En 2016. Et effectivement, Benoît, elle est pas la première joueuse européenne à rivaliser avec les Asiatiques, mais elle est peut-être la première à imposer une domination comme ça, parce que même je pense aux Danoises, Tine Baun, Camilla Martin, elles ont jamais eu ce statut-là aussi. Non, elles n'ont jamais eu ce statut-là. Et en plus de ça, c'était quand même, tu vois, dans un pays de badminton, je parle pour le Danemark, on a eu d'autres stars, genre je pense à Julianne Schenk, enfin d'autres stars, d'autres super joueuses, genre Julianne Schenk en Allemagne et tout, mais l'Espagne, c'est clairement pas un pays de bad. Et puis ce qu'elle a accompli, ça, bah, pour moi, ça dépasse toutes ces joueuses-là. Carolina Marin, c'est la seule joueuse européenne championne olympique. Alors oui, il y en a d'autres qui ont été championnes du monde, mais c'est la seule joueuse européenne, je parle du simple dame, hein, championne olympique, enfin rien que ça. Et je, très honnêtement, dans les 10 prochaines années, je vois pas trop. Et encore, je dis 10, mais on pourrait parler de 10 prochaines éditions olympiques, de qui va pouvoir faire ça. Et honnêtement, la réponse est, bah, aujourd'hui, c'est probablement personne. Ouais, non, c'est clair. Et Benoît, il faudra en parler un peu quand on parlera d'elle ou de Tight Swing, parce qu'on sait, Tight Swing, elle, malheureusement, n'a pas eu de fin de carrière, il n'y a pas vraiment eu d'annonce et tout, donc ça, c'est un peu dommage. Alors que Carolina Marin, je pense, Benoît, qu'on aura un bel hommage lors de ces Europes. Je pense qu'elle aura sa cérémonie et c'est loin d'être volé. Mais c'est PV Sindhu qui en a parlé quand elle a parlé de Marine. J'aime bien ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a été très honnête. Elle avait dit You were a complete pain on court. Donc, c'était genre le. Elle parle de l'intensité, les petits coups bas, le fait de crier, ça rentrait dans la tête. Mais après, elle a dit qu'elle l'avait poussée à aller plus haut. Et elle parle aussi, elle dit je serai toujours reconnaissante pour la camaraderie que notre génération, donc elle parle des joueuses de simple dame, a construit. Ce groupe de filles a rendu le simple dame spécial et je ne sais pas si le badminton a déjà vu quelque chose comme ça avant, donc pour moi on peut mettre dans ce groupe on met donc Sindhu, Intanon, Marine, donc Tight Swing, peut-être les deux japonaises Okuhara et Yamaguchi, Chen Yufei, il y a un poil plus jeune, mais on peut peut-être la mettre aussi. Et c'est vrai que Benoît, on va petit à petit voir le retrait de toutes ces joueuses-là, qui ont, je pense, je suis d'accord avec elle, rendu le simple dame vraiment, vraiment spécial. Ouais, je suis 100% d'accord. Après, on pourrait analyser ça et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler effectivement dans l'épisode Hommage à Carolina Marine. Ça s'est vraiment fait. C'est un peu une transition aussi qui a été faite sur le simple dames au niveau de. J'ai envie de te dire des pays qui ont commencé à se développer après le titre mondial de Ratchano Quintanon en 2013 en fait. Parce que avant c'était un simple Les dames à Chinoises. 80. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que même les médaillées non chinoises étaient d'origine chinoise. Pour la plupart, je parle pas de Tinebonne que tu as cité par exemple, mais tu vois, une Ongyan Pi, il y avait l'Allemande dont je viens de manger le nom. Je suis désolé, peut-être que tu l'as, mais Non, non, je je l'ai l'ai pas, plus. vas-y. Mais enfin, c'était quand même un simple dame très chinois aussi, et il y a eu un peu une internationalisation, même s'il y a encore beaucoup d'Asiatiques, hein, après ça. Et je pense que ça a aussi facilité ce que décrit PV Sindhu, mais effectivement, je ne sais pas si on aura une génération avec autant de. Bah, elles se sont tirées vers le haut, mais je pense en dehors des terrains, il y avait quand même une entente plus que cordiale. Ouais, non, c'est clair. On peut peut-être rajouter Saina Néhol qui a aussi, elle, Bien ouverte la sûr. voie quand elle a été médaillée olympique en 2012. Voilà, Benoît, on en reparlera évidemment de Carolina. Maintenant, on attend l'hommage qu'elle recevra, j'imagine, dans cette semaine des Europes. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet. Fernando Rivas a également lâché son poste et on Ouais. ne peut pas ne pas penser à lui parce qu'il est, peut-être on peut finir là-dessus, Benoît, il est vraiment indissociable du succès de Carolina Marin. Oui, et il a fini avec elle aussi. Ouais. Je sais pas si c'est beau parce que j'imagine que c'est pas la fin que ni l'un ni l'autre attendait. J'ai envie de te dire, au moins ça se finit ensemble. Parce que avec le départ de Fernando Rivas à la FF Bad et tout, c'était un peu bizarre la situation. Enfin, moi je la trouve un peu particulière en tout cas. C'est cool qu'ils finissent ensemble et je sais pour ni l'un ni l'autre ce qu'il adviendra de leur vie dans le bad, mais je pense Oui. qu'on le saura, on le saura vite. Effectivement. Allez, on passe au prochain sujet. I'm the bad guy. Take that! Le prochain sujet, c'est quoi? C'est la Thomas Silber Cup. Alors, j'en profite pour dire que la semaine prochaine, gros épisode où on vous prépare à la fois des previews de Thomas Super Cup et aussi les championnats d'Europe. Donc preview, c'est quoi? C'est qu'on analyse le tableau, on analyse surtout le parcours des Français et on donne nos petits pronos. Donc ne manquez pas cet épisode la semaine prochaine. Pour l'instant, on va juste commencer par parler. Je vous donnerai le groupe aussi des Français, mais pas des Françaises, puisque la dernière fois qu'on s'en était parlé, on n'avait pas encore le tirage au sort, mais on savait que la France avait été repêchée, parce que normalement, elle n'a pas été en demi-finale des championnats d'Europe par équipe, donc elle n'était pas qualifiée finalement, elle a été repêchée. Et le 4 mars, la Fédération française a annoncé que l'équipe féminine n'irait pas. Ce que dit la FFBAD, c'est. Elle n'a pas franchi les poules lors des championnats d'Europe par équipe, elle ne s'est donc pas qualifiée directement. Elle a été obtenue par repêchage. Après analyse de la situation, la direction technique nationale, en lien avec les élus, a fait le choix de ne pas honorer l'invitation à la phase finale mondiale en raison du niveau de jeu de l'équipe de France, en décalage avec ceux des meilleures nations mondiales. La Fédé a donc fait le choix de cibler plus précisément les prochaines échéances internationales. Et elle parle notamment de stages de préparation en Asie, je crois que c'était en Malaisie qu'il y en a eu un. Et précise évidemment que l'équipe de France masculine, elle ira puisqu'elle a été championne d'Europe. Benoît, je crois que quand on en a parlé, c'est toi qui avais émis cette idée. Je crois que tu avais peut-être lâché une petite phrase comme ça, genre si on y va. J'avoue que dans ma tête, moi, c'était évident qu'on allait y aller parce que je me suis dit, bon, le Danemark, c'est pas, tu vas pas à l'autre bout, tu vas pas à l'est de la Chine, c'est un déplacement qui est plus économique et peut-être plus faisable. Et je me disais, de toute façon, on n'y va pas pour gagner. Tu y vas, t'emmènes tes meilleures joueuses en double. Et en simple, t'emmènes celles qui peuvent y aller, parce que bon, en ce moment, il y a quand même pas mal de blessés, donc en gros, et sinon, tu prends des jeunes pour leur donner un peu d'expérience, et puis on ne sera pas trop sévère avec elles, puisqu'on n'en attend pas grand-chose. Ça, c'était mon avis, et bien finalement, non. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Quelle a été ta réaction quand t'as vu ça? Quand j'ai vu ça, un peu de surprise et à la fois pas tant. Pour la raison et. Pardon, la raison est. En fait, c'est ce que tu as dit, c'est on peut se poser deux questions. Si on y va, c'est pourquoi faire? Et surtout, avec qui? Il n'y a pas eu la deuxième question, puisqu'il y a eu réponse à la première, c'est en fait, on estime que ça ne sert à rien d'y aller. Je sais qu'il y a eu des. On en a un peu moins parlé, mais j'ai un peu donné mon avis sur Discord. Il y a eu des débats assez enflammés. Je rentrerai pas dans certains, pour être très transparent, il y a eu des débats sur le fait que est-ce que c'était sexiste de pas amener l'équipe de France féminine alors qu'on amenait les garçons. J'ai donné mon avis sur Discord. Si vous voulez aller voir, vous pouvez. En tout cas, moi, j'ose espérer, en tout cas, que la décision dépasse ça, et je le pense quand même, sinon ce serait vraiment terrible. Et du coup, je pense pas que ce soit la peine de rentrer là-dedans. Moi, ma théorie, c'est quand même de dire, il y a un tel écart de niveau. Enfin, je vous rappelle quand même qu'on n'est pas sorti de poule au championnat d'Europe. Faut quand même être rationnel sur le niveau qu'a cette équipe aujourd'hui. Et je fais offense à personne en le disant. Je sais que il y a des messages qui sont mal passés, notamment auprès des joueuses. Je le comprends. Mais par contre, le fait est qu'aujourd'hui, cette équipe-là, elle ne sort pas de poule dans des championnats d'Europe que nous, on a trouvé relativement faibles. Donc ça en dit long sur le fait de les amener. Maintenant, effectivement, comme toi, je me disais, ok, c'est au Danemark, on part pas non plus en Malaisie où ça va coûter un bras d'amener une équipe qui, effectivement, n'a pas vraiment d'ambition sportive dans cette compétition. On va sans doute y aller. Moi, je trouve pas ça scandaleux, le fait de pas y aller, surtout que effectivement il y a ces sujets de stage qui sont des stages de préparation, de développement, et qui vont permettre à ces joueuses de mieux se développer. Je ne voyais pas l'intérêt d'amener une équipe où tu vas prendre des tollés, sachant que déjà tu en as pris au championnat d'Europe. Pourquoi faire, honnêtement? Même si j'ai aussi lu que certains disaient ça peut être intéressant pour prendre de l'expérience et tout, mais quand il y a un écart de niveau, un tel écart de niveau, est-ce que ça l'est réellement? Voilà, il y a plein de questions qui se posent. Je ne sais pas vraiment non plus ce que toi t'en penses, Ewan, mais pour moi, ce n'est pas un choix totalement scandaleux en tout cas. Non, moi, je ne trouve pas scandaleux. Néanmoins, je le regrette un peu quand même. En fait, pour moi, là, il ne fallait même pas réfléchir en tant qu'équipe, il fallait réfléchir individuellement. Tu vois, genre, rien que pour, par exemple, tu vois, imaginons que tu es Margot Lambert et Camille Pognante. Je pense que tu dois être un peu deg parce que c'était des matchs face à des bonnes paires avec peut-être un enjeu individuel, mais un enjeu moindre que tu sais que si tu perds, tu rentres pas à la maison, quoi. Donc ça permet d'avoir du temps de jeu face à des bonnes paires. Ouais. Et en fait, je pense qu'il fallait réagir comme ça, réfléchir comme ça à tous les étages. Tu vois, tu te dis bon, tu donnes, tu vois, Anna Tatranova, elle a pas tant d'occasions de jouer des joueuses comme ça. Alors, ok, elle va perdre, sûrement, sauf si elle fait l'exploit de sa vie, si elle joue du top 20, top 10, voire top 5. Mais j'ai envie de dire, on s'en fiche, tu vois, c'est comme ça que tu... Enfin, et en vrai, on se disait un peu la même chose pour la Sudirman Cup, tu vois, c'est genre, si t'attends d'avoir une équipe pour gagner la compète, pour l'emmener, eh ben, au final, on va jamais y aller, quoi. Et ouais, on avait dit pareil pour la Sudirman. Et là, j'ai un peu le même avis, même si voilà, on va pas se mentir, je pense que si la France était allée, t'aurais eu une des équipes les plus faibles. Là, au final, tu vois, l'Espagne va y aller. L'Espagne, je suis pas sûr qu'ils aient une meilleure équipe que nous. Il y aura l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Ukraine. Voilà, c'est à peu près dans cette catégorie-là qu'on boxe, mais je le regrette un peu. Comme je te disais au début, si jamais elles y étaient allées, on n'aurait pas du tout eu le même regard que pour l'équipe masculine. Tu vois, on n'aurait pas attendu des résultats, oui, et tout. On se serait concentré sur certains matchs, sur la progression qu'on voit chez certaines joueuses. Et voilà. Donc, si la Fédé préfère, enfin, leur avis, c'est que des stages en Asie, ça profite plus aux joueuses que des matchs contre des joueuses trop fortes, peut-être. Ça, c'est leur avis. Voilà, donc je le regrette un peu quand même. Ouais, ça se défend totalement. C'est exactement ce que t'as dit en conclusion. C'est la Fédé, elle a mis dans une balance. Est-ce que c'est mieux d'amener ces joueuses-là sur des stages de développement en Asie ou de les amener à l'Uber Cup? La Fédé a tranché, en fait. Mais c'est vrai que je suis aussi d'accord avec toi que individuellement, notamment pour Camille Pognante, Margot Lambert et Anna Tatranova, pour d'autres joueuses, j'ai un avis un peu plus partagé, mais pour ces trois joueuses-là, c'est sûr que se confronter, pour des raisons différentes pour les deux, pour les trois, mais se confronter à l'élite mondiale, c'était intéressant. J'imagine aussi que c'est Flavie Vallée, ouais, et Jean Jacob qui sont encore à leur début, ça aurait pu être des matchs un peu de rodage, un peu gratuits, tu vois. Oui, c'est vrai que ça aurait pu, mais comme tu l'as dit, on aurait de toute façon pas eu la même analyse. Les mecs, enfin, très clairement, je veux dire, on a une analyse de. Là, on arrive à. On en parlera la semaine prochaine, mais on en arrive à la Thomas en se disant, ah, est-ce qu'il n'y a pas quand même la petite place pour aller chercher une médaille historique, tu vois? Évidemment que les filles, on ne serait pas parti sur cette base-là pour analyser. Bon, voilà. J'espère que le choix sera bénéfique. De toute façon, le fait est que depuis des années, on le dit et on le répète, et c'était là bien avant 21 Shuttle, il y a un problème de développement, en tout cas par rapport au badminton masculin en France, c'est un fait. Ah ouais, Benoît, c'est un fait qui existait déjà, mais j'ai l'impression que l'écart se creuse. Et ça, c'est pas un sujet pour aujourd'hui, hein, je te lance juste sur le sujet. Mais là, le fait que, bon, moi, la médaille pour l'équipe masculine, on en reparlera juste après, j'ai un peu moins de mal à y croire, mais j'ai un peu de mal à y croire. Mais on peut être ambitieux, je suis d'accord avec toi. Le fait qu'on passe d'une équipe ambitieuse chez les hommes à une équipe qu'on n'envoie même pas chez les femmes parce qu'on n'avait pas mérité notre place, je pense que l'écart entre hommes et femmes, je sais pas si c'est un truc générationnel, mais en tout cas, il est beaucoup plus important qu'avant. En tout cas, par rapport au reste de l'Europe, j'ai pas souvenir sur les 10-15 dernières années avoir eu une équipe aussi faible sur des championnats d'Europe par équipe féminine. Je parle d'équipe globale parce que Margot et Camille, encore une fois, on peut les mettre à part de ça, mais oui, je suis d'accord avec toi et je pense que ça ouvre d'autres sujets dont on ne débattra pas aujourd'hui, mais le simple dames, par exemple. Aujourd'hui, c'est quand même un marasme. Il y a eu Ongyan Pi, il y a eu Shishu Fei. Il y en a eu d'autres entre-temps, mais tu vois, enfin, je veux dire, il y a un vrai sujet de développement des jeunes joueuses françaises auquel j'ai pas les réponses, hein, mais en tout cas, c'est sûr que si on a ce débat-là aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème en fait. Oui, mais bon, de toute façon, enfin, on n'est pas les seuls. Tout le monde le sait. La Oui, Fédé oui. le sait. Mais ils essayent de mettre en place des choses. On verra si les stages en Asie ça paye et on suivra évidemment ces joueuses françaises en simple et en double d'ailleurs. Mais je vais faire une transition sur le simple, voir ce qu'elles vont donner au championnat d'Europe. Benoît, championnat d'Europe où ne sera pas Romain Couteau-Foucault. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Elle a fait un post sur les réseaux sociaux au début du mois là, début mars, pour dire que elle n'irait pas. Elle disait qu'elle était qualifiée deuxième française au classement mondial et que la Fédé n'a fait le choix de ne pas l'engager. Donc en gros, les Français ce sera Anna Tatranova et Rosie Pancassari. La championne de France, est-ce que tu veux en dire un mot? Oui, parce que c'est dur dans tous les cas pour Romane Clotofoucault. En fait, elle a mérité sa place, elle l'a gagnée en tout cas. Elle a gagné une place pour la France qui a décidé de ne pas l'envoyer. Ça, c'est les faits. Après, est-ce que le titre de Rosie Pancassari au championnat de France a joué? Sans doute. Mais tu vois, j'ai un peu le. Pour moi, ça va aussi avec ce qu'on était en train de dire sur le Burr Cup. Je sais pas toi comment tu vois les choses, mais. Est-ce qu'on n'aurait pas dû aller à cette Burr Cup avec une équipe rajeunie? Et quand je dis rajeunie, c'est Romain Clotofoucault dedans. J'ai rien contre Rosie Pancassari, on l'a dit au championnat de France. Tout mon respect, même si Chichou Fay avait encore été championne de France, tout mon respect. Mais est-ce que il faut pas donner, même si Romain Clotofoucault, elle a plus de 18 ans non plus, tu vois, mais est-ce qu'il faut pas donner du temps de développement à ces joueuses-là? Et encore une fois, Rosie Pancassari, elle l'a pas volée non plus, elle est championne de France et tout, mais en tout cas, elle n'a pas gagné au ranking sa place. Moi, je sais que j'aime pas cette idée. On en a déjà discuté pour d'autres pays et tout. Bah écoute, t'as gagné ta place, c'est toi qui y vas. J'aime pas que les fédés interfèrent dans ce genre de décision. Moi, je vais dire, on a eu ce débat pas mal de fois, je dis toujours la même chose. Ça dépend ce qui avait été dit avant. Oui, mais ça, on le saura jamais. Et vu le message de Romain Cotofoucault. Bah oui, c'est vrai, effectivement, Je sais pas, mais. on peut penser que c'était pas clair. J'ai vu aussi un avis sur le Discord qui disait Romain Cotofoucault, elle monte au ranking parce qu'elle voyage beaucoup, elle fait des tournois en Amérique du Sud, etc. On sait Rosie Pancassari est meilleure, donc elle mérite. C'est un avis qui est pas forcément le mien, mais que je peux comprendre. Je pense que ça. C'est un choix de carrière, mais ça. Bah ouais, et effectivement. Bon, ça. Je sais pas, j'avoue que j'ai pas trop d'avis. Je pense qu'à l'heure actuelle, Rosie Pancassari est une meilleure joueuse. Mais si Roman était devant au ranking et que tu avais dit que c'était le ranking qui ferait foi, dans ce cas-là, je comprends qu'elle soit scandalisée. Ça dépend ce qui a été dit avant. Honnêtement, j'ai pas grand-chose J'ai pas grand chose à ajouter. De toute façon, on suivra. Si ça avait été Roman, on la suivrait. Maintenant, c'est Rosie. On suivra ce qu'elle fera au championnat d'Europe. Mais voilà. Je comprends. En tout cas, je comprends que pour une joueuse comme elle, les championnats d'Europe, c'est quand même un gros rendez-vous. Donc, je comprends qu'elle y aille de son poste sur les réseaux et qu'elle soit vraiment dégoûtée, quoi. Et ouais, et ben en fait, c'est ça. C'est aussi que. Peut-être ça aller au championnat d'Europe, malgré tout, ça l'a fait vivre, notamment pour ses sponsors. C'est quand même une, j'ai envie de te dire, une belle vitrine d'aller aux Europes. Et ça lui permettrait aussi sans doute de voyager, de continuer à voyager comme elle le fait. C'était au Brésil, je crois, la semaine dernière, cette semaine. Après, ça critiquer, dire que Rosie Pancassari est une meilleure joueuse parce que Romain Kletoufko est devant parce qu'elle voyage, peut-être. Mais c'est un choix de carrière. Et je trouve que du coup, ça veut aussi dire que derrière, aller aux Europes, c'est une récompense qu'on lui retire. Et c'est plus ça qui me pose problème parce que je dis pas que ça va empêcher Romain Kletoufko de continuer de voyager, mais en tout cas c'est sûr qu'auprès des sponsors c'est des affiches qu'elle aura pas. Ah oui, c'est sûr. Que et puis même auprès du grand public, on le voit, championnat du monde, championnat d'Europe, c'est des trucs qui parlent. Le circuit mondial, le grand public et malheureusement les sponsors sont aussi un peu dans cette catégorie. Bah ils savent pas ce que c'est, quoi. C'est vrai que même si les championnats d'Europe ne rapportent pas d'argent directement, et ben indirectement c'est quand même une belle affiche. Ouais. Quand Alex a été champion, ou même Margot et Anne, ça apporte quand même une belle vitrine. C'est un choix important de pas l'amener, quoi. C'est pas juste les Europes, ça dure une semaine, voilà. C'est ouais, ça qu'il faut quand même avoir en tête. Effectivement. Benoît, je vais me rappeler d'un truc. Je vais te prendre un peu en traître sur un sujet parce que je suis en train de regarder aussi les listes pour les Europes. Amalie Magelund, qui vient d'annoncer qu'elle était enceinte, donc déjà on la félicite. Tant mieux pour elle. Ils vont jouer. C'est pour ça qu'ils n'ont pas joué dernièrement, mais ils vont jouer aux Europes avec Jesper Toft. Non, ma question plutôt, c'est, je précise, allez, pour le côté un peu gossip, que le père de son enfant, c'est Mathias Thierry, son ancien partenaire de mixte. Mais moi, c'est plutôt son actuel partenaire de mixte qui m'intéresse. Et d'où ma question, qu'est-ce qu'on fait de Jesper Toft, Benoît? Je sais pas, peut-être que lui il s'est posé la question aussi en remerciant Magelund sur les réseaux sociaux, parce que c'était clair, ça ressemblait quand même à un message de je te félicite, merci pour tout, moi je me lance dans un autre projet, ce qu'on comprend, il a dit j'espère te revoir sur les cours, mais c'est ça, j'ai pas précisé, pardon, que Amalie Magelund veut revenir au niveau après la naissance de son enfant, mais de toute façon Jesper Toft il va pas attendre 9 mois sans rien faire. Non, il le dit clairement, et même si c'est attendre 6 mois, c'est peut-être partir sur 2027, il va pas attendre, et surtout il est quand même au meilleur niveau de sa carrière. Je sais pas ce qui va se passer pour lui. Est-ce qu'on repart sur deux projets, est-ce qu'on repart sur un seul projet, avec qui, parce qu'en fait c'est le Danemark, il y a pas non plus un vivier actuellement monstre. J'ai pas la réponse à ta question et j'ai même pas d'idée de réponse à ta question. J'ai forcément envie de penser à un Frédéric Sogard, mais je crois pas qu'il ait trop envie là tout de suite. Non, je pense donc, pas non plus. Voilà. Mais du coup, effectivement, là. Bah après, Jesper Toft, il a un partenaire de double homme. Je me calme quand même, c'est pas terminé là. Mais en mixte, honnêtement, est-ce que tu vois une fille, toi, là, tout de suite, qui pourrait partir avec lui? Bah, je vois bien le Danemark faire sauter une paire, genre vers Stuttgart-Busch, pour lui trouver une partenaire, tu vois. Si je suis Mads Vestergaard, je peux te dire que je commence à trembler un peu. Pas le même profil. Mais... Ah non, non, non. Je saurais pas dire en fait si vraiment ça vaut le coup. C'est plus ça ma question. Est-ce que Jesper Toft est largement meilleur pour justifier qu'on fasse ça? Ah, quand même. Okay. Moi, je te dis pas que je l'ouvre. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même une différence de niveau. Ok, mais je pense qu'il y en a une aussi entre Magelund et Busch. Ouais, et en plus Vestergaard-Busch, ils sont dans la meilleure période de leur carrière là. Ils vivent des très bonnes semaines, donc ce serait coup dur. Après, moi je te l'ai dit par message, le peuple demande du Busch Ronald sportif en double homme avec Mathias Christiansen. Ouais, mais ça, il a un partenaire quand même. Non, mais il joue plus en double homme Toft en plus. Ouais, pff, mais je sais pas, tu vois, non, il mais a ça eu. N'arrivera Enfin, jamais. ouais, j'imagine pas que les deux repartent sur un double projet. Parce que Christiansen, va pas arrêter le double mixte. Mais Benoît, toi, tu me parles projet Ouais. alors que moi, je te parle divertissement, moi. Oui, pardon, c'est vrai, on n'a pas les mêmes ambitions pour le bad danois. Moi, je veux juste une paire qui se matche, quel que soit le volant qu'on donne en face. Je pense que Vitingus, même s'il s'occupe pas directement des doubles, il n'a pas un projet divertissement comme toi depuis son Non. arrivée. Bah, peut-être qu'il devrait, hein, parce que le Danemark, c'est un peu triste en ce moment. Allez, ça c'est cadeau. De toute façon, on en reparlera de Magolun, de Tof Magolun, la semaine prochaine, puisque il pourrait se dresser sur la route des Français au championnat d'Europe. On va finir, Benoît, avec la Thomas Cup, dont on va encore reparler la semaine prochaine. Juste, la Fédé a lâché une liste large, une sélection large qui a été annoncée. Je te la donne, et après, et donc a priori, ce n'est pas une liste définitive, mais on a déjà des mini enseignements. En simple, on amènerait Christo Popov, Alex Lagnier, Thomas Junior Popov, Eno Garroua, Sacha Lévesque dans l'ordre du ranking. En double homme, on aurait Léo Rossi, Éloi Adam, Maël Catouin, Lucas Renoir, Julien Maillot, William Villéger, Tom Gickel, en sachant que les frères Popov peuvent également jouer dans ce tableau et que c'est notre meilleur paire à date. L'enseignement principal, c'est l'absence d'Arnaud Merclet. La Fédé annonce qu'il participera au championnat d'Europe où il est tête de série 7, me semble-t-il. Mais qu'ensuite, il sera un peu voilà, sur le côté pendant un moment parce que il va subir une opération. Ils joueront entre l'Indonésie, la Thaïlande, l'Algérie, on en parle la semaine prochaine. Et Benoît, quelques joueurs vont a priori sauter. Je pense que un joueur de simple et une paire de double homme va s'enlever de cette liste. Je pense que, ils le disent d'ailleurs, que les championnats d'Europe vont être aussi déterminants pour voir un peu la forme du moment. Même si voilà, en double homme, ça va être dur de faire sauter quelqu'un parce que les paires ont toutes plus ou moins bien performé ces derniers temps. Voilà, Sacha Lévesque paraît être le moins bien classé, le moins bon. Donc je pense que s'il y en a un enlevé en simple, ce serait lui. En double homme, pas facile. Qu'est-ce que tu penses de cette liste déjà, Benoît? Qu'elle est cohérente. Je pense que s'il n'y avait pas eu le forfait de Arnaud Merclet, il serait à la place de Sacha Lévesque. C'est un peu triste pour Arnaud, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler aussi avec lui. J'y pense là, mais dans quelques jours, maintenant semaine, à Mulhouse, j'espère. Parce que franchement, c'est l'année dernière, il fait quand même la grosse saison qu'on attendait. Et là, malheureusement, il n'est même pas en mesure de confirmer. Et visiblement, ça a l'air physique. J'espère qu'aux Europes, il pourra performer. C'est quand même un coup dur de pas l'avoir. Moi, je pense à la Thomas parce que quand tu as besoin de faire reposer les Popov, je parle moins d'Alex Lagnier parce qu'il va pas potentiellement doubler. Mais ouais, faire reposer les Popov, c'est cool d'avoir un Arnaud Merclet. Eno Garroua est quand même, à mon avis, un temps en dessous, même si la progression est dingue. J'imagine effectivement, comme toi, qu'un Sacha Lévesque, même s'il a montré qu'il était en forme en Pologne, notamment il y a 15 jours, la logique voudrait que ce soit lui quand même qui saute. Par contre, en double homme, bah, moi j'imagine au moins une paire, mais voire deux en fait, qui vont sauter. Parce que est-ce qu'on est. Alors les Europes seront sans doute le juge de paix, comme tu as dit, et je pense qu'il y en a qui jouent leur vie pour la Thomas aux Europes. Mais est-ce que tu as qu'une seule paire qui va sauter? Moi j'en suis pas certain. Ah ouais? La logique c'est Katoen Renoir dans ta tête, j'imagine. Ou pas nécessairement? À la forme actuelle, malheureusement, oui. Mais ça veut dire que tu amènes Maillot Villéger, Rossi Adam, les Popov, ça veut dire que tu amènes 3,5 paires quoi avec Tom Gickel. Ouais, c'est ça. Mais Ok. d'ailleurs, Maillot-Villéger qui vont pas aller jouer les Europes, donc. Oui. Comment tu fais? Est-ce que tu restes sur leur forme de la tournée européenne? Est-ce que, imaginons, je sais pas, imaginons Katon Renoir, ils font un quart ou une demi. Quart, ce serait attendu vu leur statut. Une demi, qu'est-ce que tu fais? Toi, je sais pas. Moi, j'ai un peu peur pour Maillot Villéger, honnêtement, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, moi, j'étais partisan effectivement d'amener une équipe large. On en a parlé plusieurs fois ces dernières semaines. Une équipe large, du coup, avec les Popov plus deux paires, plus Tom, évidemment. Mais en fait, dans mon équation, je dois reconnaître que Katoen Renoir, je les avais pas mis. Mais en fait, ils sont 100% légitimes d'y être. Au ranking, oui. Au ranking et même, même sur le niveau, la progression et tout. Alors, c'est pas la même courbe de carrière parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes et que voilà. Mais ils méritent totalement d'y être. Je sais pas. C'est dur parce qu'ils méritent d'y être et en même temps, ça leur fait de l'expérience. Mais c'est vrai que si j'ai un match décisif à aller jouer et que je dois choisir entre Adam Rossi, Maillot Villéger et Kato Hendrenoir, c'est pas Kato Hendrenoir que je vais aligner. C'est probablement aucun des trois. Du coup, ce sera les pop-off. C'est dur. Je sais pas si la Fédé va faire un gros choix ou juste décider de pas en amener une seule. Voilà. Moi, je pense qu'il y en a une seule qui ira pas. Et ouais, dans je ton pense scénar, que... où Kato Hendrenoir font une perf, t'es presque obligé de les amener, du coup. Ouais, c'est clair. C'est... Bon, après, c'est un peu un choix de riche, hein, parce qu'en ce moment, toutes les paires de double hommes françaises tournent plutôt bien. Donc, on verra ce que ça donne. Mais effectivement, ça va pas être un choix facile. On en reparlera pendant la preview peut-être de savoir si on y croit à leur présence à Kato Hendrenoir ou si on y croit moyen. Ouais. Après, c'est pour un double homme 2. C'est pas ça non plus qui va faire basculer le succès de l'équipe, je pense. Mais bon, parce que de toute façon, quand tu vois le niveau qu'on va jouer, ça va être compliqué, je pense. Mais bon, pour un autre double homme 2, mais bon, on verra. Hein. On verra. Benoît, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet ou sur les autres avant qu'on se laisse? Je suis quand même curieux, on l'a pas dit, mais d'avoir les avis de cette sélection, même si je sais que ça en a discuté sur Discord un peu. Je pensais pas qu'on serait aussi partagé sur le fait d'amener d'un choix de une ou deux paires en double homme. Du coup, je suis curieux d'avoir l'avis de nos membres sur Discord et même en commentaire des vidéos. Je serais ravi de débattre et d'avoir vos arguments sur le sujet. Effectivement, même si oui, c'est vrai que sur notre serveur Discord, si vous voulez du débat badminton, ça tourne vraiment. Ça tourne pas mal en ce moment, il y en a beaucoup. Donc le lien est dans la description si jamais vous voulez le rejoindre. Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi. Et merci à toi Ewan comme toujours et merci à vous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine donc pour grosse preview des championnats d'Europe et de la Thomas et Uber Cup. Ensuite, pendant le mois d'avril, on parlera de ces championnats d'Europe, on parlera top 12. Également, on a hâte de parler de tout ça avec vous. On espère que vous serez au rendez-vous. À la semaine prochaine.绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。青绿之缤纷。